la belle, au bonheur, son isès, au limel, au cratère. Biga gong, engosin, au funéjan, au bossoba, au rabé, na se mouva. Kubekela ekujuleni ufune njalo ubusobani ungabheki nasemumva mfune njalo ungashalazi yiba yiba ubufakazi bokuthi uJesu uyaphila futhi ngeke akushiye. salo ngimbonile kweyami impilo engangishiyi kodwa engephumelelisa njalo